erreur de gestion. Je l'avais fait dans plein de boutiques. J'avais une certaine aura, une certaine légitimité, etc. Et là, je reviens dans un nouveau métier. Je ne parle qu'à des techniciens auxquels je ne comprends absolument rien de ce qu'ils me disent. Donc c'est compliqué. Tu te retrouves en situation d'échec. Tu n'es pas légitime. Donc je dis tout le temps, le respect ou le crédit, ça ne s'impose pas. Ça se gagne. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Merci de nous recevoir chez toi, donc chez Devolis. Est-ce que tu peux nous parler et nous présenter un petit peu Devolis ? Oui, bien sûr, sans problème. Donc Devolis, c'est une société qui existe depuis 11 ans. Hein, donc on n'est pas une start-up de l'informatique. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Oui, si start-up est encore le terme galvaudé ou pas. Tout à fait. Mais donc on existe depuis 11 ans. Et puis donc nous sommes une société de 23 personnes basée sur le Grand Ouest parisien et toute la Normandie. Donc tu vois, on couvre tout ce secteur géographique et on intervient sur trois domaines que l'on présente sous les termes de la couture, parce qu'on se présente comme des couturiers de l'informatique, donc on fait des solutions digitales. Du vrai digital. On fait du vrai digital. Et donc trois offres, donc l'offre prêt-à-porter, forcément, dans lequel on va retrouver une offre de collaboration, de travail collaboratif, avec la mise en place d'Office 365, qui est une plateforme Microsoft de travail collaboratif, avec notamment SharePoint dedans, qui est vraiment la clé de voûte de cette offre. Une deuxième offre qui va être le sur-mesure. Le sur-mesure, et c'est dans cette offre-là, si tu veux, qu'on s'est fait un peu connaître et reconnaître, où on a eu nos lettres de noblesse. On a commencé par ça, donc c'est le développement d'applications. Alors quand on parle d'applications mobiles, sur PC, tablette, voilà. Maintenant on fait... Applications tout type. Ouais, exactement. Donc ça c'était l'offre sur mesure. Nous avons donc la dernière offre, qui est l'offre tendance, hein, et qui va recouvrir un peu tous les sujets autour de l'intelligence artificielle. Des sujets très à la mode. Très à la mode. Notamment les deux plus à la mode, donc l'intégration de solutions Big Data, dont l'objectif est de faire du prédictif, et l'intégration de solutions d'agents conversationnels, les fameux chatbots. Et... Ouais, exactement. Ok, donc, super. Voilà pour présenter. Alors, toi, ton rôle chez Devolis ? Alors, moi, je suis directeur commercial, donc depuis quasiment 4 ans. Alors, je ne suis pas du tout commercial à la base, et encore moins dans l'informatique. Hein, donc, moi, j'ai fait 4 ans de banque, et puis 14 ans de contrôle de gestion. Alors, comment on devient directeur commercial et qu'on gère des équipes et autres en ayant démarré par la banque ? Voilà un sujet intéressant. Eh bien, écoutez, j'allais te vous voyer. Écoute, oui, c'est un sujet intéressant, par piston. Ce qu'on appelle le réseau maintenant. Tout à fait. Non, mais je connais Vincent, donc Vincent qui est le gérant fondateur de Devolis. Je le connais à titre personnel. Et donc, il a détecté chez moi mon côté relationnel, mon côté humain. Et c'est ce qui l'intéressait. Il ne voulait pas ni d'un technicien pour faire du commerce, ni d'un vrai commercial pour faire du commerce. Il voulait quelqu'un qui ait le sens de l'humain, le sens du contact. Plutôt de l'empathie, plutôt être prêt à discuter. Alors c'est intéressant cette approche-là, justement, de prendre quelqu'un qui n'est pas spécifiquement fait pour le rôle. Est-ce que toi, tout de suite, ça t'a emballé ou est-ce que c'était trop loin de tes diplômes, de ta formation ou de ton expérience? Comment ça s'est passé? Alors, effectivement, c'est assez drôle. Lorsqu'il me l'a proposé, ma réaction est assez négative spontanément. Et connaissant Vincent, je lui dis, attends, quelle est la vraie question derrière ça? Et là, on est rentré un peu plus dans le vif du sujet. Et clairement, connaissant les sociétés informatiques, pour avoir beaucoup travaillé avec elles, j'ai tout de suite posé deux questions. Hein. On a pas forcément toujours bonne réputation, les sociétés, les fameuses SS2I que l'on appelle maintenant ESN. Et donc, les deux questions que je lui ai posées, c'est comment tu traites tes clients et comment tu traites tes consultants. Parce que pour moi, il était hors de question de faire de la vente de tapis, premièrement. Et deuxièmement, il était hors de question de faire de la gestion de viande, en termes de consultants, de les prendre, toi t'es là, toi t'es expert. Donc cette notion-là de symétrie des attentions, si je m'occupe bien de mes consultants, ils s'occuperont bien de mes clients. Je pense que c'était l'idée que tu avais derrière, tout à fait, savoir ce qui se passait. Tout à fait. D'accord. Donc, c'était vraiment le préalable pour toi, oui, pour tenter l'aventure et du coup, oui, changer complètement de carrière après. Complètement. Okay. Un vrai changement. Bon. Qui s'est bien passé. Est-ce qui que, se passe très bien. Qui se passe très bien, on est encore en phase. Oui, ouais, tout à fait. Vous êtes combien chez Devolis aujourd'hui? 23. 23. Et donc, comment vous managez ces 23 personnes? Parce que on sait, effectivement, tu l'as dit, vous avez des consultants, donc des gens qui sont peut-être pas toujours là. Il peut y avoir un peu de turnover, ce qui arrive souvent dans les entreprises du numérique, et même si vous êtes dans le digital. Tout à fait. Mais du coup, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est un management linéaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de managers sur les 23? Comment ça se passe? Non, écoute, alors... Pour revenir un tout petit peu sur mes expériences passées, moi en tant que contrôleur de gestion, j'ai travaillé dans des grands groupes. Plus tu travailles dans des grands groupes, en tous les cas c'est l'effet que cela a eu sur moi, plus tu travailles dans les grands groupes, moins tu as envie d'y travailler. Donc moi je voulais retrouver de la proximité, une entreprise où tu puisses agir, réagir et avoir un véritable impact. Donc en termes de management, je voulais la même chose. Je voulais pas quelque chose de très, très officiel. Pour moi, le management, certes, il y a des méthodes, des recettes qui vont fonctionner pour encadrer les gens, mais à la base, il faut aimer l'humain. Il faut aimer la personne et il faut avoir ce sens empathique, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, d'aller vers les autres, de s'intéresser à eux et fondamentalement d'avoir l'aspiration de les emmener vers quelque chose de plus, de meilleur. Les faire grandir. De les faire grandir, grandir en même temps la société, que tout le monde arrive à trouver son osmose ensemble et avancer ensemble. D'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de théorie que j'ai appliquée. Je voulais juste savoir, voilà, avec Vincent, quelles étaient ses relations, comment il faisait. Et voilà, donc la dimension humaine. Donc il faut savoir qu'il y a 4 ans, il y avait 7 consultants. Donc on a oui, vous avez bien progressé. Voilà, on a bien progressé en 4 ans. Donc c'était encore plus facile. Mais effectivement, comme tu me l'as dit, on a des problématiques donc de consultants qui sont chez nous, mais également chez les clients. Je croise les doigts, on a de la chance, on n'a pas beaucoup de turnover. Parce que justement, on est très attaché à nos consultants et on essaie de développer autre chose, un autre esprit pour avancer ensemble. Voilà, l'objectif, c'est pas de remplir les cases, d'avoir des bonhommes et puis les mettre dans des missions, etc. C'est vraiment de grandir. Et si on peut faire le plus de bout de chemin ensemble, c'est l'objectif. Oui, l'idée, c'est de les fidéliser, de les attacher à Devolis pour que même s'ils sont chez le client, ils restent avec le cœur Devolis et que ça les garde comme ça. Mais justement, comment vous travaillez avec ce côté un peu dualité qu'on peut retrouver quelquefois avec des freelances ou avec du télétravail de gens qui font partie de la société sans pour autant y être très souvent? Est-ce qu'ils passent à l'entreprise? Est-ce qu'ils sont en mission, en régie pleine chez le client? Vous gérez ça comment? Alors, effectivement, on a des régies pleines. Des consultants que si on voulait on ne verrait jamais, d'autres qui sont ici dans nos locaux, et puis d'autres qui font des missions plus courtes, qui reviennent, qui repartent, et puis souvent les gens qui peuvent être ici peuvent être après amenés à être en clientèle et inversement. Donc il faut gérer tout ça. Écoute, on le fait le plus naturellement possible, comme je fais un peu avec mes amis. Tu sais, au bout d'un moment je me dis tiens, j'ai pas eu de nouvelles d'un tel. Tiens, il y a longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai pas croisé. Eh ben, on va faire la galette. Là, c'était la galette il y a pas longtemps. On va faire la galette. Donc, tu envoies une invitation avec tout le monde, etc. On a instauré aussi des comités techniques, donc tous les mois, où un des consultants, un ou plusieurs d'ailleurs, doivent présenter eux-mêmes des choses, se mettre en avant, les aider à travailler sur des sujets. Et puis, pour le coup, ça nous permet de nous réunir. On essaie aussi de faire un peu des événements improvisés, l'arrivée d'un consultant, le départ d'un consultant, même si ça nous arrive pas beaucoup, mais on a des consultants qui veulent faire d'autres choses et on les accompagne à faire autre chose. Vous assurez aussi, alors l'onboarding c'est très bien et c'est vrai que c'est pas toujours bien fait, mais y compris le départ, oui. Avec l'idée qui est derrière, c'est quoi? C'est de se dire, finalement, cette personne-là, on a fait un bout de chemin ensemble, autant que ça se finisse bien. Est-ce que ça peut devenir un ambassadeur? Est-ce que ça peut même être un mentor, peut-être, pour des gens qui resteraient? Ou c'est simplement parce que c'est de l'humain et qu'on essaye de faire ça bien? Alors, effectivement, tout ça, ça a un impact sur ta société. Le fait d'être proche de tes collaborateurs, normalement, ça t'assure un peu de fidélité. Le fait de les accompagner par la suite, normalement, ça t'assure également une continuité ou une notoriété ou peut-être éventuellement de nouveaux clients chez lesquels ils vont aller travailler. Bref, ça c'est vrai, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça vienne du cœur, il faut que tu le fasses naturellement. Si tu commences à faire ce genre de choses d'une façon calculée, ça se voit, ça se sent. C'est pas dans notre, enfin moi c'est pas du tout dans ma façon de faire, ni dans celle de Vincent. Voilà, il faut qu'à la base ça soit fait de façon la plus altruiste possible. Mmh. Voilà, c'est on a travaillé ensemble, on a passé des bons moments. Tu as un choix de vie différent pour telle ou telle raison, et ben c'est normal. On en discute. Comment on fait pour se séparer, comment on s'organise, etc. Et puis si on peut t'aider, on t'aide. À la base, il faut que ça soit fait naturellement et sincèrement. Sinon, si c'est calculé... S'il n'y a pas de sincérité, à un moment ou à un autre, ça se voit. Et effectivement, l'expérience collaborateur va vaciller. OK. Et donc, je reviens à cette dualité qui est intéressante. Et on pourra parler après de ta propre dualité avec ton ancienne carrière et ta nouvelle. Mais entre les gens qui sont ici, entre des gens qui sont dans différentes entreprises, qui elles-mêmes ont des cultures d'entreprises différentes, est-ce que ça vous a posé des problèmes ou est-ce que ça vous en pose, ne serait-ce que sur la gestion d'objectifs? Est-ce que c'est vous qui pilotez tous les objectifs ou selon le client chez qui il est? J'imagine que s'ils sont dans une start-up ou s'ils sont dans un plus grand groupe, la culture d'entreprise n'est pas tout à fait la même, les attentes ne sont pas toutes... Coupé. Ça, c'est parce que... Hop, c'est pas grave, ça va revenir... Normalement, c'est pas un problème de place, c'est un problème de mémoire tampon qui, au bout d'un moment... Ah ouais ? Ouais, ça arrive. Pourtant, c'est une carte... Voilà, tac. Normalement, il devrait pas y être. Oh là, attention. Donc, je reprends. Donc, justement, oui, piloter des objectifs différents selon la taille de l'entreprise, où ils sont, ou même ici, la culture d'entreprise peut être différente. Est-ce que ça vous pose des problèmes ? Comment vous le gérez ? Non, ça ne nous pose pas particulièrement de problème. Au contraire, je trouve que ça enrichit l'équipe. Parce qu'on a un management dit participatif, mais on ne le met pas en place, comme je te l'ai dit, c'est tout à fait fait naturellement. Je m'inquiète tout le temps de savoir les consultants, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, comment se passe leur mission, etc. etc. Je leur dis tout le temps que ma porte est tout le temps ouverte, même dans les faits, elle est tout le temps fermée, parce que je travaille en musique. mais au sens... Elle est virtuellement ouverte. Voilà. Je leur dis, voilà, surtout, vous avez un problème, vous venez me voir dans votre mission, dans votre vie. Et s'ils ne font pas, moi, je le vois assez vite. J'ai la chance de pouvoir détecter ce genre de choses assez rapidement. Si je vois un consultant, une journée, ça ne va pas trop bien. Deux jours, bon, la troisième journée, je l'appelle, on discute, du moment, ça va, voilà. C'est vraiment s'intéresser. Et donc, pareil pour les consultants qui vont être chez nos clients, qui ont effectivement des cultures d'entreprise différentes, des tailles d'entreprise différentes, pharaoniques pour certaines, avec des procédures bien lourdes, qu'ils n'ont pas l'habitude ici. Mmh. Et donc, c'est à moi d'échanger avec eux, de leur dire, mais oui, mais tu vois, voilà, faut prendre le positif dans ça, qu'est-ce que tu y retrouves, qu'est-ce que tu y retrouves pas, les aider, leur dire, voilà, prendre du recul par rapport à ça, moi je vais m'en occuper, je vais appeler le client, je vais appeler notre contact, etc. pour essayer un peu de... C'est arrivé d'avoir à faire une médiation entre le client et la personne en régie ou la personne en mission parce que quelquefois c'est pas le client qui est mauvais ou le consultant qui est mauvais, c'est juste qu'ils sont pas faits pour s'entendre. Oui, ça arrive. Oui, c'est arrivé deux fois, hein, pas beaucoup. Depuis 4 ans que je suis là, donc c'est un score très correct. C'est tout à fait raisonnable. C'est arrivé deux fois. Mais comme tu le dis, pas forcément une inadéquation entre le profil, la mission, l'interlocuteur client, etc. Et pour le coup, on prend ça très au sérieux. Je suis allé voir les interlocuteurs clients pour comprendre, pour avoir leur ressenti et puis pour trouver une alternative. Les deux fois, ça s'est terminé par une fin de mission. On a préféré sortir notre consultant de mission. Que de le laisser en détresse. Quitte à perdre, quelque part, un peu le client, enfin la mission sur laquelle il était, on l'a perdu. Mais de le laisser en détresse, quoi. Tu vois, ça fait vraiment partie de notre ADN. Enfin, c'est pas possible pour moi le matin de me lever savoir qu'on a des consultants qui sont pas bien et puis les laisser comme ça, quoi. Alors ça s'est passé sur le court terme, hein, mais pas en une semaine, hein, il y a eu un petit peu de phase de transition, mais on s'occupe de ces problèmes-là et on les gère. Okay. Donc, je bois juste mon café avant qu'il soit gelé. Je t'en prie. Pause café. Café, c'est important, c'est un liant. Ici, il n'y a pas de machine à café, mais là, c'est toujours le poste le plus important au travail. Le café est un énorme... Non, mais tu as complètement raison. C'est un liant. Moi, de temps en temps, je prends très peu de café. Avant, j'en prenais beaucoup, donc maintenant, j'en prends très peu. Mais je prends d'autres boissons chaudes. Et justement, je vais de l'autre côté. Et plutôt que de revenir dans mon bureau prendre ma boisson, je m'installe, j'écoute et éventuellement, quand j'ai des messages à faire passer, de communication interne, de succès client, de nouveaux prospects, etc., etc., ou de problématiques à leur poser, et ben j'utilise ce moment un peu off. Pour échanger, etc., etc. Il ne faut pas que ça soit tout le temps comme ça. Bien évidemment, il ne faut pas que le café soit une pause travail. Mais pour le coup, ça permet d'aborder les sujets d'une façon différente, plus détendue et plus conviviale. Non, mais la salle de pause et le café, c'est une partie importante. On va revenir un peu plus à toi. Donc, tu nous l'as expliqué, ce n'était pas ta carrière d'origine. J'imagine, vu les questions que tu avais posées, que tu espérais un certain style de management, un certain style de relation avec les collaborateurs. Puisque tu y as fait attention. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais qui se sont passées complètement différemment? Ou est-ce que les choses étaient finalement très proches de ce que tu avais imaginé? Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu te dis, finalement, je ne suis pas encore prêt pour ça? Globalement, ça fait très prétentieux de dire ça, j'ai pas eu beaucoup de surprises. Parce que même si alors j'ai eu des rôles d'encadrement par le passé dans mon ancienne vie, mais j'ai eu plus de moments où j'étais moins encadré que moins encadrant, mais j'ai toujours eu cet état d'esprit. Je suis un sportif, enfin, du moins j'essaie de l'être et de le rester, et donc tu sais, moi l'esprit sportif, je leur dis tout le temps ici, c'est on gagne. On boit tous dans la coupe, tu vois, à la fin, on participe tous, on a tous gagné, et donc on boit tous dans la coupe. On perd, eh ben on remet les baskets et on va s'entraîner. Et s'il y en a qu'un qui perd, ben je vais le voir et je vais lui dire, écoute, t'as perdu là, l'équipe elle est pas responsable, et tu dois t'entraîner plus. Voilà en fait le type de management, et ça je l'ai toujours appliqué, même quand j'étais encadré, avec mes responsables, on échangeait, j'ai toujours eu, me suis senti investi de ma mission que j'avais. Mmh. Et donc j'ai toujours eu ce mode de relation, que pour le coup j'ai pu mettre en application lorsque je suis devenu manager. J'ai continué en fait d'être moi-même. En fait, tu as une vraie volonté de devenir manager, parce que tu t'y étais préparé en tant que manager, quelque part. Inconsciemment, et, oui. Et du coup, cette transition, parce que souvent, quand on devient manager, on passe à un rôle de leader, d'être peut-être plus inspirant plutôt qu'être un producteur pur. Cette transition-là s'est faite relativement naturellement. Tu y étais préparé, puisque tu avais réfléchi, manifestement. Alors, oui, quand même plutôt inconsciemment que consciemment. Mais effectivement, je m'y étais préparé et la transition s'est faite assez naturellement. Ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de personnes, surtout tu sais, quand tu prends des responsabilités avec tes anciens collaborateurs, enfin collègues, pardon, donc qui étaient tes collègues avant et pour lesquels tu deviens leur responsable. Tu penses que ça se serait passé aussi bien si tu avais pris des fonctions là où tu étais avant, quand tu étais contrôleur de gestion, ou c'est le fait aussi d'avoir changé d'univers qui a simplifié la chose? Non, je l'ai fait avant. J'ai pris des responsabilités et j'ai encadré des équipes qui étaient avant mes collègues. Mais comme ils me connaissent, au contraire, c'était plus facile. Quand tu arrives en tant que manager, ici, lorsque je suis arrivé, déjà, je n'avais pas forcément le pas de background technique. Voilà. Et puis, j'avais pas forcément le management de l'équipe au départ, parce que je n'avais pas le crédit pour le faire. Et je ne suis pas imposé... Donc, ça a été plus difficile, au contraire, de changer d'univers et de s'imposer comme un manager ou un leader ou je ne sais pas quoi. donc, c'était plus difficile parce que, justement, il faut que les personnes apprennent à te connaître. savoir que tu es quelqu'un d'honnête, de droit, que tu vas échanger, que ce ne sont pas des belles paroles que tu donnes, comme on a pu tous l'avoir avec nos managers précédents, mais que lorsque tu dis quelque chose, tu vas le faire et que tu les écoutes réellement. Donc, tu as toute cette phase d'apprentissage mutuel à faire que tu n'as pas à faire lorsque justement tu passes de collègue à responsable de l'équipe dans laquelle tu étais. Parce que les gens te connaissent déjà, ils ont déjà vu comment tu agissais avec ton responsable, avec eux. Et pour le coup... Leur idée sur toi est déjà un peu plus faite. Voilà, tu gagnes tes galons tout de suite. Comme je dis tout le temps, le respect ou le crédit, ça ne s'impose pas. Ça se gagne. La légitimité, ça se gagne, c'est pas quelque chose qui s'impose. Et puis comme je te le disais, pour moi, le management, ça doit être de la même façon, même si derrière, il y a effectivement des effets bénéfiques à être comme ça, mais ces effets bénéfiques, tu les as dans ta vie amoureuse, dans ta vie avec tes amis. Et forcément, lorsque tu as cette façon de faire, de voir les choses, de s'intéresser aux gens, de les aider, mais aussi de prendre. Hein. Pour moi, l'équilibre, c'est tu donnes, tu prends, tu donnes, tu prends. Dès l'instant où tu as cette habitude de faire et que tu l'appliques au monde professionnel, ça fonctionne. Alors, ça a des retombées, mais qui ne sont pas calculées. Non, mais c'est comme souvent, ça, ce côté, c'est plus sincère. Ce côté sans couture, en fait, passe bien. Et finalement, ça marche beaucoup avec comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. Exactement. Et c'est quelque c'est chose. C'est une de mes devises, ça, tu sais. Oui, alors je le savais pas, mais c'est une des miennes aussi. C'est vraiment, enfin voilà, ça va au-delà de juste sois pas méchant, c'est vraiment comporte-toi comme tu voudrais que ça se passe. Et je pense que le fait d'avoir eu peut-être un peu d'expérience et une carrière avant et d'avoir été managé change aussi cette perspective-là. Alors après, c'est pas fait pour tout le monde, mais change aussi cette perspective-là. Et je sais pas si tu seras d'accord, il y a aussi quelque chose qui change, c'est le fait d'avoir des enfants. Parce que tu as une... ce côté éducation, ce côté ils doivent comprendre pourquoi je leur explique quelque chose, parce que si je lui dis touche pas la porte du four et que je lui explique pas pourquoi, bah, à un moment la porte du four ça va être plus fort que lui, il va y toucher. Finalement, alors c'est pas question de dire qu'on infantilise des collaborateurs, c'est pas du tout ça, mais c'est plutôt la notion de mettre, quand tu as des enfants, tu te rends bien compte que si tu leur expliques les choses et qu'ils savent pourquoi ils les font, bah oui, ils vont peut-être mettre le pyjama plus facilement, bah oui, ils vont peut-être pas toucher la porte du four, bah oui, les devoirs, ils vont comprendre que c'est pour eux et que c'est pas pour te faire plaisir, etc. Et tu as une notion comme ça de but et de sens que je trouve quelque part assez proche de la notion de collaborateur, alors qui est valable avec tout le monde, hein, qui est pas valable qu'avec les enfants ou avec le collaborateur, mais il y a vraiment une... Alors écoute, je n'y avais pas réfléchi, mais effectivement, il y a quelque chose dont je me suis aperçu. C'est que depuis que je suis père, donc j'ai deux petites filles, 11 ans et 13 ans, je m'aperçois que je cite beaucoup des phrases que je leur dis. C'est-à-dire, dans le monde professionnel, je dis à un interlocuteur, hein, que ce soit un client, que ce soit un collaborateur, je dis comme je dis à mes filles, et donc j'essaie de leur donner des préceptes de vie. Mais exactement comme l'adage que tu viens de citer, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. J'essaie vraiment de leur donner ces préceptes de vie. Et pour le coup, je les diffuse, je m'aperçois que je les diffuse et que je reprends toujours ces phrases que je dis régulièrement à mes filles. Donc effectivement, je n'y avais pas pensé. Oui, c'est vrai, le fait d'être père induit un rôle de manager. C'est clair. Ben, finalement, il y a des choses qui sont, qui sont assez proches. Alors après, ça dépend de quel type de père, quel type de manager, mais c'est finalement assez proche. Excuse-moi, je, ouais, je t'en prie. Comme je le disais tout à l'heure dans l'interview, notre objectif, c'est de faire grandir nos collaborateurs. Donc, effectivement, c'est très, très proche d'un rôle de père où tu veux faire grandir tes enfants, tu veux leur donner le meilleur chemin, tu veux leur apporter le plus de choses, tu veux leur éviter les embûches, etc. Donc, Et je te dirais même, pour pousser la métaphore jusqu'au bout, que ton but, c'est même qu'un jour, ils s'en aillent et qu'ils se débrouillent sans toi. Oui, exactement. Ah, mais voilà. Et c'est ce qu'on fait aussi. Et comme je te le disais, on va accompagner nos collaborateurs s'ils doivent aller ailleurs, faire autre chose, se mettre à leur compte. On va les accompagner, les suivre. Mais comme on le ferait, effectivement, tu as raison, un papa, et avec toute la bienveillance possible, sans calcul derrière. même si faut pas se voiler la face, ça a des retombées positives, mais tu ne le fais pas pour ça à la base. Sinon, tu es un calculateur, un manipulateur, là, c'est horrible. Oui, voilà. Mais oui, c'est vrai. Mais je pense qu'après, il y a... ça tombe dans le côté authentique et honnête dont tu parlais tout à l'heure, et qu'à un moment ou à un autre, ça finit par se voir. Oui. C'est... voilà, c'est... Il y a, ouais, y a toujours quelque chose qui fait un peu pas clair, et que ça, ça peut prendre du temps, mais que ça finit par se voir quand il n'y a pas un fond un peu véritable derrière. Moi, j'ai eu des très bons managers, bon, des très très très mauvais aussi, mais j'ai eu des très bons managers pour lesquels, avec lesquels j'ai eu beaucoup d'échanges, et ils m'ont donné des clés comme ça, des adages, et j'aime bien ce côté un peu mentor que j'avais avec eux, et c'est vrai que le rediffuser, pouvoir, mais comme un père le fait, donner de ton expérience. Tu sais, je suis sportif, mais je suis aussi cuisinier. J'aime bien cuisiner. Spécialiste du dessert, je t'en avais déjà parlé. Et donc, ça fait partie, tu es dans la transmission, tu ne travailles pas que pour toi, tu ne fais pas une pâtisserie que pour toi, tu le fais pour les autres. Et puis si je donne des cours à certains de mes copains ou copines, voilà, tu as envie de transmettre ton savoir. Ce n'est pas fait pour le garder, pour être le chef, pour être voilà, la personne irremplaçable. Non, ce n'est pas du tout ça en fait. Et lorsque tu le fais à titre de management, bah, oui, c'est un peu, ça porte ses fruits, mais c'est pas calculé, enfin, en tout cas chez moi. Oui, c'est une question assez naturelle, mais justement, on retrouve le côté sport, équipe, club, oui, collaboratif, le côté cuisine, transmission, et puis et finalement, ça se lit. Moi, je vais encore parler un peu de ton parcours, parce que je trouve toujours... Alors finalement, on se rend compte qu'on ne fait jamais le métier pour lequel on a eu le diplôme, et qu'on change tous de carrière, et encore plus maintenant. C'est pour ça que les fameuses générations Y, Z et compagnie, bon, on va dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Complètement d'accord. Mais... c'est quoi la grosse différence quand tu passes d'un monde comme la banque, dont on a une image pas toujours très positive, on va pas se mentir, avec et on sent bien en plus que ça fait partie des métiers où les gens qui y sont, pour en discuter notamment avec ma conseillère, où ils sont un peu perdus justement face à l'innovation, face au numérique, face à ce qu'on leur demande en termes de management, face au rôle qu'ils ont dans leur petite agence, après au niveau régional et après au niveau national. Donc déjà, pour toi, comment ça s'est passé? Et après, la transition, est-ce que finalement, c'était un besoin de changer? Voilà, je veux bien que tu me parles aussi de cette expérience-là. Alors, la banque, j'ai commencé par la banque. J'ai des attirances pour tout ce qui est analyse de problèmes et puis d'apporter une solution. Tu vois, ça, j'adore en fait. T'aimes résoudre? Ouais, j'aime résoudre. Aider, résoudre, voilà. Je pense que voilà, ça rejoint un petit peu mon type de management. T'es là pour aider, pour mettre de l'huile dans les rouages. Et donc, j'ai toujours aimé analyser des problèmes et résoudre. Et je voulais le faire dans le cadre de banque, en tant que gestionnaire de patrimoine. Voir mes clients, les rencontrer, parler avec eux de leurs objectifs de vie, etc. Et leur apporter les solutions bancaires adaptées. Et je dis bien les solutions bancaires adaptées. Et pas pousser du produit. Et clairement, alors que je passais 80% de mon temps au guichet, puisqu'on démarrait, donc tu démarres forcément par le guichet, j'étais le troisième vendeur de l'agence sur 11, donc c'était plutôt correct, alors que les autres étaient en bureau. Mais par contre, toutes les semaines, j'étais convoqué par mon responsable, parce qu'il m'avait dit que cette semaine, c'était la semaine du produit A. Et moi, j'avais vendu du B, du C, du D et du E. Et toutes les semaines, il me convoquait, il me fait « Stéphane, t'as pas vendu du produit A ?»« Non, j'ai pas trouvé les clients pour vendre du produit A. » Il me dit « Mais oui, mais tous ceux à qui t'as vendu du B, du C et du D, t'aurais pu leur vendre du produit A. » Non, c'était pas adapté. Je ne vendrai pas un produit, je vends quelque chose de qui correspond et qui répond aux besoins de mes clients. Et je jure sur mes filles, ça c'est une expression que j'utilise aussi souvent pour asseoir la véracité. Ouais, exactement. Parce que c'est trop important pour moi. Ma femme et mes filles, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc je jure sur mes filles que j'avais par moment la queue à mon guichet, alors que mes collègues, qui étaient elles aussi au guichet, n'avaient personne, et que les clients préféraient passer par moi, parce qu'ils savaient que j'allais rien leur vendre. Hmm? Globalement, tu leur vends pas, tu les conseilles. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit cette expérience. Pour autant, se bagarrer toutes les semaines avec ton responsable parce que tu n'as pas vendu du produit A, etc., etc. Au début, enfin à la fin, je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est de la vente. Au final, c'est de la vente. Tu ne peux pas mettre en application ce que tu voudrais faire avec la plus grande sincérité. Tu es toujours obligé de te bagarrer. Derrière, il y a des objectifs donc que tu n'atteins pas parce que tu ne vends pas les produits qu'on te demande, etc., etc. Donc, j'ai fait machine arrière. Je me suis... j'ai des études comptables et financières derrière moi. Donc, je me suis réorienté vers la même analyse de problème, mais au niveau des entreprises, donc sur le contrôle de gestion. Donc, tu analyses les comptes de la société et tu dois résoudre les problèmes. C'est de la gestion de patrimoine, mais pas à titre individuel, au niveau d'une personne, mais au niveau d'une entreprise. Voilà, on retrouve vraiment la même philosophie. Et donc, j'étais très, très, très investi là-dedans et ça me plaisait énormément. Mais voilà, j'ai évolué vers des grosses structures que je ne citerai pas, où pour le coup, le côté politique l'emporte sur le côté humain, réalité même économique. Et ça m'a déçu. Lorsque tu fais un budget sincère avec tes interlocuteurs, que tu les as écoutés, que tu as compris leurs problématiques et que tu mets en place des moyens d'action et qu'au final, parce qu'il faut plaire aux actionnaires, on te sabre ton budget en deux ou on te l'augmente x3, etc., etc. Et que tu passes après toute l'année qui suit à justifier des objectifs que tu sais pertinemment faux dès le départ. Voilà, ce côté mensonge m'a lassé au bout d'un moment. Donc j'avais vraiment envie de... C'est ça qui a déclenché l'envie de peut-être être dans une plus petite structure, quelque chose à taille plus humaine. Oui. J'ai fini dans une structure contrôleur de gestion de 200 personnes, tu vois. Où là, pour le coup, avec une responsable qui était vraiment admirable, que j'estime énormément. Et ça se passait super bien. C'est à ce moment-là que Vincent est venu me voir. Donc j'ai eu beaucoup de mal à changer parce que j'étais arrivé à quelque part pouvoir mettre en application ma volonté d'aider, de bien faire les choses, de le faire avec la plus grande honnêteté possible. Et donc j'ai eu beaucoup de... Mais bon, connaissant Vincent, c'était un changement. Je sais que ma responsable partait, l'entreprise était rachetée. Donc je sais que de toute façon, ma situation que j'avais allait évoluer et pas forcément vers ce que je souhaitais. Donc j'ai pris le pas. Et je me suis beaucoup remis en cause au départ. Je suis arrivé donc comme... responsable commercial et maintenant directeur commercial, sans légitimité, sans savoir-faire, sans connaissance de l'informatique. Donc, à l'époque, il n'y avait que des consultants chez Devolis, c'était que des profils techniques. Oui. Donc justement, en plus avec ce côté-là, je ne suis pas technicien. Je ne suis pas technicien. Et tu t'adresses, et à l'époque, nos principaux interlocuteurs, c'était sur du développement d'applications, donc des directeurs informatiques ou des responsables informatiques, donc des techniciens. Donc c'était un langage de technicien. Donc c'était compliqué d'arriver dans ce milieu. Donc j'avais pas de profil LinkedIn moi à l'époque, j'avais pas besoin, j'avais zéro ami, et pourtant j'existais bizarrement. Donc j'étais pas connu, j'étais pas légitime, etc. J'arrive sur un poste de responsable commercial alors que je n'en avais jamais fait, compliqué pour moi. Parce que c'est pas dans ma nature d'arriver, moi je suis responsable. Non, comme je disais tout à l'heure, le respect, ça se gagne. Et donc là, j'estimais n'avoir rien gagné. Alors que tu aurais pu tomber sur la posture, fake it till you make it, je vais faire semblant d'être sûr de moi, d'assurer sur le côté, sur un métier que j'ai jamais fait et autres. Tu es plutôt resté sur le côté honnêteté et si je fais bien mon boulot, de toute façon, ça viendra. Oui, c'est ça. Globalement, c'est ça. Et moi, le matin, il faut que je me lève et que je puisse me regarder dans la fenêtre ou dans la glace C'est plutôt dans la glace l'expression. Bah, dans la fenêtre, tu vas voir ta voisine ouais, ou ton voisin, mais... Ah, faut voir. Non, non, faut pas le dire à ma femme, ça. Elle le savait pas. Non, j'aime bien le matin me lever et me regarder dans la glace. Et être fier de moi. Je peux pas faire les choses à moitié et je peux pas faire les choses avec malhonnêteté. Donc je ne pouvais pas arriver dans une posture, m'imposer. Et dire oui c'est bon je vais faire au contraire c'est profil bas c'est j'arrive, j'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai des compétences, j'ai des lacunes, je le dis, on met ça à plat et comment je progresse, qui peut m'aider, etc. Et on va avancer ensemble, vraiment la philosophie que j'évoquais tout à l'heure, grandir ensemble, avancer ensemble. En toute honnêteté, transparence. Et ça t'est arrivé là, de justement avoir des métiers ou des périodes de ta vie où c'était compliqué de te regarder dans la glace, soit parce que tu ne faisais pas le boulot que tu voulais ou tu ne le faisais pas de la manière dont tu le voulais quand tu ne tenais pas tes objectifs en banque oui. Ou tu ne vendais pas les produits ou à ce point, à le vivre mal dans ta vie personnelle peut-être. Alors, dans mes précédentes vies, non. Parce que justement, en banque, j'étais fier de moi parce que je ne vendais pas le produit A, parce que ça ne correspondait pas à nos clients. En revanche, quand je suis arrivé chez Debolis, oui. Parce que tu te retrouves dans un nouveau métier, un peu en situation d'échec, où tu dois faire des choses, où tu dois avoir des comportements qui ne sont pas habituels, qui ne sont pas les tiens. Donc, et comme j'ai une faculté à tout le temps me remettre en cause et en question, donc ce que je faisais, mais pour le coup, tu progresses, tu pars d'une situation, ça faisait 14 ans que j'étais contrôleur de gestion. Je l'avais fait dans plein de boutiques, j'avais une certaine aura, une certaine compétence, légitimité, etc. Et là, je reviens dans un nouveau métier, je ne parle qu'à des techniciens auxquels je ne comprends absolument rien de ce qu'ils me disent. Donc c'est compliqué, tu te retrouves en situation d'échec, tu n'es pas légitime. Je ne m'estimais pas à ma place, donc il faut, et pour autant, je me dis, mais et je voulais pas faire du commercial pur et dur, tu sais, appliquer. J'ai plein de potes qui sont commerciaux, je suis allé les voir, je leur ai demandé des conseils. Certains m'ont dit, ils m'ont donné des techniques de commerciaux avec les 6 en V, n'est-ce pas, monsieur Philippe? Vous êtes d'accord, monsieur Philippe? Donc vous n'avez plus d'objection, monsieur Philippe, donc vous signez là, monsieur Philippe. Tu vois, la reformulation du pied dans la porte. Voilà, absolument impossible pour moi, quoi. Alors, c'est bien d'avoir quelques méthodes et de les connaître, comme pour le management, c'est bien d'avoir ça en tête quelque part pour arriver à une conclusion, mais il faut, absolument. Moi, je ne peux pas appliquer ça. Moi, c'est impossible pour moi. Et j'ai eu le déclic avec un de mes amis, où je dis, bon, écoute, je crois que je ne suis peut-être pas fait pour ce boulot-là, je me suis surestimé, etc. Et je vais dire un gros mot, mais il m'a dit, mais tu déconnes, Steph. Tu as du relationnel, tu aimes les gens, tu as toutes les qualités pour être un bon commercial. Il faut juste que tu trouves, et c'est cette phrase-là qui a été le déclic, il faut juste que tu trouves le commercial que tu es. Et que tu fasses le commerce qui te va. Même si ce n'est pas le commerce le plus efficace, même si ce n'est pas le commerce qui à court terme va rapporter le plus de ventes, etc. Il faut que tu fasses ce que tu es, que tu trouves le commercial en toi. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir deux fois pour deux écoles de la région qui forment des commerciaux dans l'informatique. Et ça, c'est le message que je leur ai passé. C'est soyez le commercial que vous êtes. N'appliquez pas que des techniques. Même si vous devez les connaître, soyez le commercial que vous êtes. Moi, je n'ai pas un commercial efficace à court terme. Je vais créer du lien, du liant, du réseau. Je suis content quand j'ai un client qui m'appelle pour une techno que je ne sais pas faire. Et le client le sait. Mais il sait que je vais lui conseiller le bon partenaire. Donc voilà, moi, j'aime travailler comme ça, en confiance. Voilà, parce qu'on a des entreprises à faire tourner, donc il faut que derrière, il y ait un intérêt commercial. Ça porte ses fruits, mais c'est plus sur long terme ou moyen terme, mais pas sur le court terme. Mais c'est pas grave, ça demande plus de temps, plus d'énergie, mais je fais ce que je suis capable de faire. Et depuis que je fais ça, là, je suis serein dans mon poste et je fais... pas forcément ce que Vincent voudrait que je fasse tout le temps, parce que c'est normal, lui, c'est le dirigeant, donc il voudrait peut-être que ça aille plus vite, mieux, plus loin. Mais je fais quelque chose d'efficace, qui me va, pour lequel je suis bien. Et tu sais, j'ai une grande théorie. Il faut jamais s'oublier dans la vie, ce qui m'est arrivé de faire d'ailleurs. Il faut jamais s'oublier, il faut avoir une part d'égoïsme. Parce que si tu t'oublies pas, d'accord, si tu es un peu égoïste et que tu t'épanouis, voilà, que tu t'épanouis, tu vas avoir une aura qui va se répandre sur tout le monde. Si au final tu t'oublies, que tu deviens aigri, tout le monde va en ressortir les effets négatifs. Tu vas être mauvais, tu vas être aigri, tu vas t'en prendre aux autres de façon injustifiée. Alors que si tu réussis à t'épanouir en gardant une part d'égoïsme, ça va tu vas être épanoui, tu vas rayonner. Tu attires ce que tu projettes. Exactement. Exactement. Et justement, donc on voit bien qu'il y a un grand besoin d'honnêteté, d'alignement entre ce que tu es et ce que tu fais, donc l'alignement vie perso, vie professionnelle, le côté sens au travail, qui est un peu à la mode, mais à raison, certainement. Comment tu fais ça pour le transmettre peut-être à d'autres ou à tes collaborateurs, parce que ça reste très personnel. Oui. Ce côté s'intéresser à l'autre, ce côté être soucieux, être ouvert, parce que tout le monde n'a pas le même caractère. On a l'image d'Épinal du consultant ou du technicien qui est un peu fermé, un peu dans le numérique. Est-ce que ça, finalement, non, ça se transmet facilement ou est-ce que quelquefois il faut travailler plus spécifiquement avec les gens là-dessus? Alors non, ça ne se transmet pas facilement. Premièrement, alors il y a deux aspects en fait pour répondre à ta question. L'aspect sur lorsque je suis arrivé, il y avait déjà des consultants présents et depuis que je suis arrivé, les consultants que l'on embauche. Où là, pour le coup, tu as une action dès le départ. On passe beaucoup de temps à rencontrer nos futurs consultants. Certains pourront te le dire, j'ai passé 3 heures avec eux, 3 heures d'entretien avec eux. Vincent va faire le premier entretien préalable sur le savoir-faire, juger si la tête elle est bien faite, et après moi sur le savoir-être. Et s'il faut que j'y passe 3 heures, j'y passe 3 heures. Mais quand je ne comprends pas une chose, lors d'un entretien, je le dis au consultant. Je dis, moi, il y a un problème dans votre CV, là, il y a un truc que je ne comprends pas, expliquez-moi. Et je leur dis tout le temps, il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là pour voir si on est en adéquation. Et si on est en adéquation, ça va marcher tout seul. Il ne faut surtout pas qu'on achète un produit sur lequel on va nous tromper, une marchandise qu'on n'a pas voulu. Donc, et pareil pour vous, il ne faut pas que je vous vende une boutique qui ne va pas être celle dans laquelle vous allez être. Donc, il faut vraiment être le plus honnête. Donc, j'instaure vraiment dès le début de l'entretien, du premier entretien, un véritable échange honnête, sincère. Je leur dis tout de suite, je leur fais un retour à chaud, tout de suite sur eux. Je leur décris un minimum leur personnalité, de ce que j'en ai aperçu. Et je leur demande de me dire si j'ai tort, ouais, de justifier, tu vois, de vraiment échanger. Et je leur demande aussi leur ressenti sur notre société, comment ils voient les choses, etc. etc. Le plus dur dans cet aspect-là, c'est de faire comprendre à ton interlocuteur que peut-être que tu as le même discours que les autres, mais toi, c'est vrai. Mmh. Et le problème, c'est que tout le monde dit que c'est vrai. Mais nous, on le met en application. Moi, je le mets en application, Vincent le met en application, voilà. Nous, on le met en application. C'est juste, voilà, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas un message... comment dirais-je ? C'est pas marketing. C'est pas marketing, c'est sincère. Donc là, quand tu embauches, c'est plus facile. Après, tu les as, effectivement, tu peux t'être trompé sur la personnalité, etc. Et puis donc, ça rejoint les profils que tu as déjà lorsque tu arrives. Et donc, non, ça ne se transmet pas facilement. Ça, c'est que en gagnant en confiance. Tu es le commercial. Donc, dans certaines sociétés du numérique, il ne faut pas se le cacher. Voilà, le commercial, bah, c'est... la personne qui va vendre tout et n'importe quoi et oui, à n'importe ça qui. Ça peut être un poste qui peut avoir mauvaise réputation, à tort ou à raison. Mais... Et exactement. Donc, il faut rassurer tes consultants, leur expliquer que toi, tu n'es pas comme ça, que tu ne fais pas ça, que par moment, tu peux les mettre dans une mission, qu'au final, la mission ne se révèle pas être la bonne, mais que ce n'était pas voulu. Donc, il faut gagner en confiance. Donc, c'est très difficile à transmettre cette façon de faire. Et puis, de toute façon, comme je dis tout le temps, tu ne peux pas transformer quelqu'un. Tu peux l'emmener vers un consensus, mais tu ne peux pas le transformer. Donc il faut faire avec la personnalité. Il est hors de question de, d'imposer ma vision, d'imposer ma philosophie. C'est à moi, en tant que bon manager, de faire avec nos équipes, avec leur façon de faire, avec leurs peurs, avec leurs angoisses, et donc de les amener à grandir. Tu vois, c'est un bon manager, il ne doit pas forcément, enfin, c'est même pas forcément, il ne doit absolument pas imposer des idées. Il doit s'adapter à son public. C'est en fonction de l'équipe que tu as. Tu sais, on le dit pour... excusez-moi le parallèle, hein, il n'y a pas du tout de métaphore ou quoi que ce soit, mais on le dit pour les possesseurs de chiens, notamment, tu sais, avec les chiens qui mordent, etc. Et donc la fameuse phrase, c'est « il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres ». Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de mauvaise équipe, il n'y a que des mauvais managers. Et forcément, il n'y a pas du tout de comparaison entre les consultants et les chiens, bien évidemment. Non, mais on retrouve cette idée, comme tu avais tout à l'heure avec les clients, de t'adapter à eux. Oui. Plutôt que de les faire rentrer dans un moule et de leur vendre le produit A, le produit B, comme avec les collaborateurs, j'imagine que selon le caractère, tu vas les mettre plutôt sur telle mission, tel poste, plutôt qu'essayer de faire d'un chat un chien. Exactement, exactement. Donc, tes valeurs, elles ne sont pas forcément facilement transmissibles. Mm-hmm. Mais ce n'est pas grave. Même si eux, je ne leur demande pas d'être comme moi, je suis avec eux, entre eux, dans l'équipe, dès l'instant où, quelque part, je suis là pour le faire, etc., etc. L'important, c'est qu'ils comprennent que les valeurs qu'on avance sont sincères et vraies. C'est surtout ça. Qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un d'humain, de sincère. Et quand il va leur dire « c'est bien », parce que l'on le fait, ça, c'est vraiment... dans notre ADN aussi, on passe des messages, on est super content de toi, on le dit régulièrement. Ça nous arrive même de faire des augmentations sans que les consultants nous le demandent, parce qu'on estime que... C'est pas souvent. non, c'est presque pas souvent, non, pas du tout même. Donc voilà, on est vraiment... Mais le fait d'avoir ce feedback régulier, de dire quand c'est bien... permet aussi, j'imagine, que le jour où tu dis que c'est pas bien, que ce soit pas pris comme une critique gratuite, non. Mais que ce soit pris comme bon, bah, c'est vraiment constructif. D'habitude, quand c'est bien, on me le dit. Donc là, si on me le dit, c'est que c'est pas bien, c'est que je dois avoir quelque chose à en retirer ou que tout était pas parfait. Exactement. Quand je. Pour le coup, quand je dis que quelque chose va pas, déjà, on m'écoute. Parce qu'on sait que je ne vais pas le faire avec le côté négatif, réprimande, punition, j'en sais rien, mais le côté constructif. Et là, je vais citer, tu vois, donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je vais citer une phrase que je dis tout le temps à mes filles. Je m'en fiche de ce que tu as fait hier. Je m'en contrefiche encore plus de ce que tu as fait avant-hier. Et aujourd'hui, ça m'indiffère. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que tu vas faire demain. T'as fait une erreur aujourd'hui, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais demain pour pas que ça recommence? Comment je peux t'aider? Comment on avance? Être tout le temps constructif. Et j'élève vraiment mes filles sur ça, parce que voilà, elles ont des problèmes, papa, il m'est arrivé tel truc, tel jour. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais demain? Comment on avance? Comment on s'améliore? Même si demain, tu ne vas pas résoudre le problème, ça va peut-être demander 6 mois, 1 an, peu importe. Mais avoir la volonté de s'améliorer. Et lorsqu'on fait avec nos consultants, bah, ça nous est arrivé, pas souvent, mais lorsqu'il y a des choses à dire, on le dit. Et c'est bon, ok, voilà, il y a eu le problème, ok, on a compris, problème, machin. Tu l'acceptes? Bah ouais, ok. Donc maintenant, comme je disais tout à l'heure, lors de la vidéo, tu reprends tes baskets, d'accord, et tu vas t'entraîner. Et puis on va voir comment tu dois t'entraîner, qu'est-ce que tu dois faire pour récupérer le niveau de l'équipe. Voilà, c'est comme ça qu'on avance, enfin, c'est comme ça que moi je vois les choses et que je les applique. Mais essayer de faire progresser, pas laisser les gens à la traîne. Quand tu es arrivé, ils étaient 7 consultants, c'est oui, ça? Oui. Et aujourd'hui, vous êtes 23. Oui. Comment ça s'est passé cette augmentation? Parce qu'on a souvent des crises de croissance, arriver à 10, 15 personnes, on peut plus se connaître aussi bien, on peut plus parler avec tout le monde. Oui. Vous l'avez géré comment? T'as complètement raison. Tu peux pas du tout faire le même type de management à 7 qu'à 23. Et ça, il faut s'adapter. Et c'est pour le coup, j'en reviens à mon regret de tout à l'heure, que je voudrais faire plus. Mais effectivement, quand tu as une équipe de 7 personnes ou une équipe de 23 personnes, c'est pas pareil. Tu peux pas faire autant pour tout le monde. Donc tu dois t'adapter. Alors c'est pour ça également qu'on n'a pas forcément la philosophie de devenir 50, 60, 100, etc. Grand maximum, on a la volonté de l'arriver à 40. Parce qu'après, pour nous, ça va être un cap qu'on ne pourra plus gérer. On ne pourra plus être proche, on ne pourra plus... alors peut-être qu'il y a des techniques, hein, ou des relais, ou trouver des relais hiérarchiques qui vont ça diffuser. Ça devient nécessairement plus pyramidal, passer voilà. On sait que le manager, il mais pour le coup, arrivera de toute façon. Moi, j'aurais peut-être, je pense, comme une amertume de perdre ce côté... Cette proximité. Donc, comment on le gère? Eh bien, écoute, comme je le disais tout à l'heure, on essaie de créer plus d'événements. On en crée plus maintenant qu'avant, parce que justement, l'équipe est plus grande. Donc, on essaie de créer plus de moments de rencontre, plus de moments off. Même si on a fait la galette en janvier, bon, pour l'instant, en février, on n'a rien fait. Tu vois, on a été pris dans le flux. Il y avait un comité technique qui a malheureusement été reporté pour des impératifs de travail. Et donc là, ce mois-là, il n'y a pas eu de point où on s'est tous réunis. Mais alors après, on est quand même dans le numérique, hein, donc tu as aussi la possibilité de passer des messages vers des chats internes, donc où là tu peux échanger. On a créé un espace détente où les collaborateurs peuvent poster des choses, etc. Donc qui vont faire réagir. Moi, je poste régulièrement des choses pour justement taquiner un peu, je suis très très taquin, donc taquiner une chose toute bête, mais souhaiter les anniversaires. Une des choses que j'ai demandé en arrivant, c'est je veux les dates d'anniversaire de tout le monde, parce que je le fais pour mes amis. C'est hyper important pour moi le jour où c'est l'anniversaire, de dire à la personne je pense à toi, c'est ton anniversaire, etc. Bon, puis après de lui réclamer les croissants et le champagne éventuellement, mais oui, mais, puis peut-être de comprendre que c'est un jour où il va être un peu différent des autres et que ça a une justification. Exactement. Si le lendemain il est un peu proche. Fatigué, on sait pourquoi. Exactement, mais oui, mais tout ça c'est important, quoi. Donc voilà, j'ai un peu perdu le fil conducteur de ce que je voulais dire, mais globalement... Bon, on parlait du fait que forcément à 23, tu peux pas avoir les relations immédiates. Voilà. Tout à fait, donc voilà, on essaie de multiplier les événements pour garder cette proximité. Mais pour le coup, on n'a pas la volonté de devenir... De grossir trop. De trop pour perdre cette proximité, parce qu'après, on ne pourra plus le faire. Donc, on essaie vraiment de créer plein d'événements différents et variés. Et puis, donc des chats internes qu'on n'avait pas avant, puisqu'on avait une proximité à 7, ça va vite, quoi. Bah là, on fait des réseaux internes parce qu'on est 23. Donc, on trouve d'autres vecteurs pour pallier un peu... à ce manque de proximité, mais pour garder, même si elle est virtuelle, cette proximité. Et tu as des collaborateurs qui ont peut-être naturellement assumé un rôle plus de leader, qui sont peut-être devenus des relais, ou finalement pas encore trop, ça, il n'y a pas eu besoin que ça se révèle. Oui, on en a qui... nous, on a de toute façon une... Mais ça c'est vraiment un leitmotiv, hein. Je m'en aperçois en te le disant depuis tout à l'heure. On a toujours cette volonté de faire grandir nos consultants, donc de les pousser. C'est tu veux prendre de la responsabilité sur telle chose, bah vas-y. Comment on t'accompagne, comment tu fais, etc. Tu veux de leader technique, bah vas-y. Tu veux passer une certification, bah vas-y. Tu veux faire de la R&D, bon bah ok, il faut que je vois comment je peux te dégager un 4/5 pour que tu puisses avoir 1/5 pour faire de la R&D. Voilà, c'est on essaie d'être à leur écoute et de les faire grandir. Et j'ai encore perdu le fil de ce que je disais, c'est fou ça. je te demandais s'il y avait des leaders qui avaient émergé. Oui, tu oui, m'expliquais oui, que oui, tu oui. Les suivais dans leur initiative, mais du coup, oui, est-ce que... Oui, on en a qui se détachent. Qui se révèlent. Oui, ouais, on en a qui se détachent, notamment au comité technique, des personnes qui, je pense, s'ils écoutent le... cette interview se reconnaîtra, quelqu'un qui, lors de notre entretien, était en panique totale. Il avait la voix qui tremblait. Il lui dit « Oh là là, attendez, Détends-toi. Détends-toi. Alors je le vous vois quand même au départ, donc c'était voilà, détendez-vous, pas de stress, on va discuter, c'est une discussion, il n'y a pas d'enjeu, personne va mourir, cool, etc. etc. Et donc pas forcément quelqu'un qui naturellement va se mettre en avant et qui là pour le coup bah, s'est proposé pour faire un comité technique, pour faire exposer un sujet d'actualité, donc sur l'intelligence artificielle d'ailleurs. Alors que ce n'est pas la matière sur laquelle il travaille. Donc c'est là où... Et là, je me dis, ah bah là, je suis content. Là, je suis content. Donc oui, on a des consultants qui émergent de plus en plus, on les accompagne, on leur demande ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils... ou pas faire, hein. Certains ne veulent absolument pas. Voilà, le... Mais c'est souhaitable qu'ils s'en rendent compte. Exactement. C'est souhaitable qu'ils s'en rendent compte, ils ne sont pas frustrés. Nous, ça ne nous dérange pas, on n'est pas là pour... C'est pas parce que, tu sais, comme le management d'antan, où ah bah, ça fait 20 ans qu'il a ce poste-là... Donc il doit avoir une équipe, il doit avoir des... Donc il doit être chef, voilà, c'est ça. Ouais. Forcément, au bout de 20 ans, peut-être la personne qui est là depuis 3 ans, mais qui, lui, a la volonté, et puis... Et l'autre, c'est un expert sur son poste. Et c'est exactement. Et donc, c'est vraiment d'échanger avec eux. Quand je suis arrivé, bon, il n'y avait que 7 consultants, hein, mais maintenant, je le fais tout le temps, et je le fais dès le début des entretiens, lorsque je les rencontre. Mais je suis allé échanger avec les consultants, savoir ce qu'ils voulaient faire, où ils voulaient aller, ce qu'ils aimaient. Moi, j'aime beaucoup parler des passions. Bon, ça, je devrais pas le dire, parce que ça, c'est un truc d'entretien. J'aime beaucoup parler des passions. Parce que c'est ce qui va me permettre aussi de détecter la personnalité. Et on aime bien les profils. Moi, j'aime bien les profils différents aussi. J'aime bien les gens différents, qui ont un parcours différent, etc. Ils t'apportent beaucoup en richesse. Il faut tout le temps avoir cette volonté. Nous, ils sont moins formatés. Ils sont moins formatés, ils ont d'autres visions des choses. Eux aussi, ils sont sur mesure. Exactement. Tout à fait. Tu penses justement que... Si tu me parlais de prêt-à-porter, de sur-mesure dans ce que vous vendez, que si ça avait été un produit plus packagé, un produit peut-être unique, juste une solution ou autre, c'est un challenge qui aurait pu te plaire quand même, ou ce côté empathie avec le client, pouvoir lui vendre vraiment ce dont il a besoin ou autre, c'est aussi ce qui a motivé l'envie de tester sur un métier qui n'était pas le tien et visiblement l'épanouissement de le faire. Alors, clairement, d'ailleurs pour la petite histoire, avant de te répondre, si on est les couturiers de l'informatique et qu'on a développé notre communication là-dessus, c'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est une boîte de communication qui nous a accompagnés et qui est venue nous voir, qui nous a interviewés, justement pour savoir comment on faisait, comment on travaillait, etc. Et c'est eux qui ont sorti cette notion-là de couturier, de tailleur sur mesure, même le prêt-à-porter, on va l'ajuster avec aussi une vision, donc l'offre tendance, tu vois. C'est eux qui ont sorti en fait ces termes-là par rapport à l'échange qu'on avait eu avec eux. Et donc pour répondre à ta question, si j'avais eu une offre très packagée à vendre, je ne l'aurais pas fait. Je ne serais pas venu. Ça ne m'aurait pas plu. Vendre du produit, vendre de la boîte, je ne critique pas. Hein. Je ne critique pas. Mais je ne peux pas apporter mon plus, mon savoir-faire, s'inquiéter de savoir qui tu as en face, quel est le bon produit qui va lui correspondre. L'aider, en fait. L'aider. Si tu vends un produit, tu vends un produit. Tu peux défendre ton produit, mais tu vas pas aider ton interlocuteur. Donc moi j'aime bien trouver des solutions, analyser, faire progresser, ouais, et trouver des solutions. On a un spectre qui se dessine. Mais oui. Je reste sur ça. Je reste sur ça. Et c'est pareil à titre personnel d'ailleurs. Hein. Donc dès que j'ai un ami qui a un souci, j'accours et j'essaie de voir comment je peux l'aider. Donc c'est vraiment une volonté, mais comme je le disais, je crois qu'il faut aimer les gens à la base, même si je suis très très méfiant, j'accorde pas ma confiance comme ça, mais loin de là même, mais pour le coup il faut, voilà, une fois que tu es rentré dans mon cercle de confiance, mon objectif c'est toujours d'aider, d'apporter des solutions, etc. etc. Voilà, c'est une composante importante. Et donc non, j'aurais pas pu vendre des boîtes. Non. Ce que on voulait que je fasse en milieu bancaire, et c'est pour ça que j'en suis parti. Et du coup, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années qui viennent? Pas trop grossir, ça j'ai compris. Pas trop grossir. Ni physiquement, ni au niveau de l'entreprise. Tout à fait. Là, je suis bien d'accord avec toi. Même si j'ai grossi récemment. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, dans nos métiers, comme pour lorsqu'on rencontre un consultant en entretien, ce qui est compliqué, c'est de faire savoir que nous, c'est pas qu'un discours, qu'on fait les choses différemment, qu'on les fait bien, et toujours orienté avec bienveillance et pour le bien de tout le monde. Même si on doit gagner notre argent, évidemment. On est une logique économique, bien évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Et le jour où j'aurais plus besoin de le dire, et qu'on... Ah, salut Steph, ah ben voilà, tu veux machin. Quand j'ai des clients qui me tutoient, je me dis, ah, là, voilà, j'ai fait mon boulot, ils savent qui je suis, et on va avoir une discussion beaucoup plus franche, on va avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, parce que je vais leur dire oui ou non. Mais ils savent que c'est honnête, et qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de calcul. C'est oui, on peut faire, non, on ne peut pas faire, et oui, je peux faire dans telle mesure ou dans telle limite, etc. Donc voilà, donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est que j'ai pu à parler de tout ça, et que ça soit su et reconnu. Bon. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut me souhaiter. C'est déjà une belle perspective. Oui. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Guillaume. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, laissez-nous un avis sur iTunes ou votre fournisseur de podcast. C'est ce qui nous aide le plus et nous encourage à continuer. N'hésitez pas non plus à nous faire vos remarques en commentaire ou nous proposer le nom de nouvelles personnes à inviter. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel entretien individuel.